Chapitre 18e, mort du pape Innocent X, les mystères du conclave. La mort du pape arriva le 7 janvier. J'avais presque toujours été au lit, et je n'avais eu que fort peu de temps pour me préparer au conclave, qui devait être toutefois, selon toutes les apparences, d'un très grand embarras pour moi. Monsieur le cardinal d'Est disait publiquement qu'il avait ordre du roi, non seulement de ne point communiquer avec moi, mais même de ne point me saluer. Le duc de la Terra Nova, ambassadeur d'Espagne, m'avait fait toutes les offres imaginables de la part du roi, son maître, aussi bien que le cardinal Harrach, au nom de l'empereur. Le vieux cardinal de Médicis, doyen du sacré collège et protecteur d'Espagne, prit d'abord une inclination naturelle pour moi. Mais vous jugez assez, par ce que vous avez vu de Saint-Sébastien et de Vivaros, que je n'avais pas dessein d'entrer dans la faction d'Autriche. Je n'ignorais pas qu'un cardinal étranger, persécuté par son roi, ne pouvait faire qu'une figure très médiocre, dans un lieu où les égards que le général et les particuliers ont pour les couronnes ont encore plus de force qu'ailleurs, par les intérêts plus pressants et plus présents que tout le monde trouve à ne leur pas déplaire. Il m'était toutefois, non pas seulement d'importance, mais de nécessité pour les suites, de ne pas demeurer sans mesure, dans un pays où la prévoyance n'a pas moins de réputation que d'utilité. Je me trouvais, pour vous dire le vrai, fort embarrassé dans cette conjoncture. Voici comme je m'en démêlais. Le pape Innocent, qui était un grand homme, avait eu une application particulière au choix qu'il avait fait des sujets pour les promotions des cardinaux, et il est constant qu'il ne s'y était que fort peu trompé. La signora Olympia le força, en quelque façon, par l'ascendant qu'elle avait sur son esprit, à honorer de ses dignités Maldachin, son neveu, qui n'était encore qu'un enfant. Mais on peut dire qu'à la réserve de celui-là, tous les autres furent ou bons ou soutenus par des considérations qui les justifièrent. Il est même vrai qu'en la plupart, le mérite et la naissance concoururent à les rendre illustres. Ceux de ce nombre, qui ne se trouvèrent pas attachés aux couronnes par la faction, se trouvèrent tout à fait libres à la mort du pape, parce que le cardinal Pamphile, son neveu, ayant remis son chapeau pour épouser Madame la princesse de Rossane, et le cardinal Astali, que sa sainteté avait adopté, ayant été dégradé depuis du népotisme, même avec honte, il n'y avait plus personne qui pût se mettre à la tête de cette faction dans le conclave. Ceux qui se rencontrèrent en cet état, que l'on peut appeler de liberté, étaient messieurs les cardinaux Chigi, Lomelin, Ottoboni, Imperiali, Acquaviva, Pio, Borrome, Albizzi, Gualtieri, Alzolini, Omodei, Cibo, Odescalchi, Widmann, Aldobrandin. 10 de ceux-là, qui furent Lomelin, Ottoboni, Imperiali, Borrome, Acquaviva, Pio, Gualtieri, Albizzi, Omodei, Azzolini, se mirent dans l'esprit de se servir de leur liberté pour affranchir le sacré collège de cette coutume qui assujettit à la reconnaissance des voix qui ne devraient reconnaître que les mouvements du Saint-Esprit. Ils résolurent de ne s'attacher qu'à leurs devoirs et de faire une profession publique, en entrant dans le conclave, de toutes sortes d'indépendances et de factions et de couronnes. Comme celle d'Espagne était en ce temps-là la plus forte à Rome, et par le nombre des cardinaux et par la jonction des sujets qui étaient assujettis à la maison de Médicis, ce fut celle aussi qui éclata le plus contre cette indépendance de l'escadron volant, c'est le nom que l'on donna à ces 10 cardinaux que je viens de vous nommer. Je pris ce moment de l'éclat que le cardinal Jean-Charles de Médicis fit au nom de l'Espagne contre cette union pour entrer moi-même dans leur corps. À quoi je mis toutefois le préalable qui était nécessaire à l'égard de la France, et je priai Monsignor Scotti, qui avait été nonce extraordinaire et qui était agréable à la cour, d'aller chez tous les cardinaux de la faction, leur dire que je les suppliais de me dire ce que j'avais à faire pour le service du roi, que je ne demandais pas le secret, et qu'il suffisait que l'on me dît jour à jour les pas que j'aurais à faire pour remplir mon devoir. Monsieur le cardinal Grimaldi fit une réponse fort civile et même fort obligeante à Monsignor Scotti. Même messieurs les cardinaux d'Est, Bicchi et Ursine, me traitèrent de haut en bas, même avec mépris. Je déclarai, dès le lendemain, publiquement, que puisqu'on ne me voulait donner aucun moyen de servir la France, je croyais que je pouvais rien faire de mieux que de me mettre au moins dans la faction la plus indépendante de celle d'Espagne. J'y fus reçu avec toutes les honnêtetés imaginables, et l'événement fit voir que j'avais eu raison. Je n'en eus pas tant dans la conduite que j'eus, au même moment, avec M. de Lyonne. Il s'était raccommodé avec M. le cardinal Mazarin, qui l'envoya à Rome pour agir contre moi, et qui, pour l'y tenir avec plus de dignité, lui donna la qualité d'ambassadeur extraordinaire vers les princes d'Italie. Comme il était assez ami de mon trésor, il le vit devant qu'il partit. Il le pria de m'écrire qu'il n'oublierait rien pour adoucir les choses et que je le connaîtrais par les effets. Il parlait sincèrement. Son intention pour moi était assez bonne. Je n'y répondis pas comme je devais, et cette faute n'est pas une des moindres de celles que j'ai commises pendant ma vie. Je vous en dirai le détail et les raisons de ma conduite, qui n'était pas bonne, après que je vous aurai rendu compte du conclave. Le premier pas que fit l'escadron volant, dans l'intervalle des 9 jours qui sont employés aux obsèques du pape, fut de s'unir avec le cardinal Barberin, qui avait dans l'esprit de porter au pontificat le cardinal Sacchetti, homme d'une représentation pareille à celle du feu président Le Bailleul, de qui Ménage disait qu'il n'était bon qu'à peindre. Le cardinal Sacchetti n'avait effectivement qu'un fort médiocre talent, mais comme il était créature du pape Urbain et qu'il avait toujours été fidèlement attaché à sa maison, Barberin l'avait en tête et avec d'autant plus de fermeté que son exaltation paraissait et était en effet difficile au dernier point. Monsieur le cardinal Barberin, dont la vie est angélique, a un travers dans l'humeur qui le rend, comme ils disent en Italie, innamorato de l'impossible. Il ne s'en fallait guère que l'exaltation de Sacchetti ne fût de ce genre. L'amitié étroite entre lui et Mazarin, qui avait été sinon domestique au moins commensal de son frère, n'était pas une recommandation pour lui envers l'Espagne. Mais ce qui l'éloignait encore de la chaire de Saint-Pierre était la déclaration publique que la maison de Médicis, qui était d'ailleurs à la tête de la faction d'Espagne, avait faite contre lui dès le précédent conclave. Ceux de l'escadron qui avaient en vue de faire pape le cardinal Chigi crurent que l'unique moyen pour engager M. le cardinal Barberin à le servir serait de l'obliger par reconnaissance et de faire sincèrement et de bonne foi tous leurs efforts pour porter au pontificat Sacchetti, voyant qu'il serait pourtant inutile par l'événement, ou du moins qu'il ne serait utile qu'elle est liée si étroitement et si intimement avec le cardinal Barberin, qu'il ne pourrait s'empêcher lui-même de concourir à la suite de ce qu'il désirait. Voilà l'unique secret de ce conclave, sur lequel tous ceux à qui il a plu d'en écrire ont dit 1000 et 1000 impertinences, et je soutiens que le raisonnement de l'escadron était fort juste. Nous sommes persuadés que Chigi est le sujet du plus grand mérite qui soit dans le collège, et nous ne le sommes pas moins qu'on ne le peut faire pape qu'en faisant tous nos efforts pour réussir à Sacchetti, qui n'est pas trop bon, mais qui est toujours un des moins mauvais. Selon toutes les apparences du monde, nous n'y réussirons pas, auquel cas nous ferons tomber Barberin à Chigi par reconnaissance et par l'intérêt de nous y conserver. Nous y ferons venir l'Espagne et Médicis par l'appréhension que nous n'emportions à la fin le plus de voix pour Sacchetti, et la France par l'impossibilité où elle se trouvera de l'empêcher. Ce raisonnement, beau et profond, auquel il faut avouer que M. le cardinal Azzolini eut plus de part que personne, fut approuvé tout d'une voix dans la Transpontine où l'escadron volant s'assembla dès les premiers jours des obsèques du pape et après même que l'on y eut examiné mûrement les difficultés de ce dessein qui eussent paru insurmontables à des esprits médiocres. Les grands noms sont toujours de grandes raisons aux petits génies. France, Espagne, Empire, Toscane étaient des mots tous propres à épouvanter les gens. Il n'y avait aucune apparence que le cardinal Mazarin pût agréer Chigi, qui avait été nonce à Münster dans le temps de la négociation de la paix et qui s'était déclaré ouvertement dans plus d'une occasion contre Servien, qui était plénipotentiaire de France. Il n'y avait pas de vraisemblance que l'Espagne l'eût dû être favorable. Le cardinal Trivuls, le plus capable sujet de sa faction et peut-être du sacré collège, déclamait publiquement contre lui comme contre un bigot, et il appréhendait dans le fond extrêmement son exaltation par la crainte qu'il avait de sa sévérité, peu propre à souffrir la licence de ses débauches, qui, à la vérité, était scandaleuse. Il n'était pas croyable que le cardinal Jean-Charles de Médicis pût être bien intentionné pour lui, et par la même raison et par celle de sa naissance, car il était siennois et connu pour aimer passionnément sa patrie, qui est pareillement connu pour n'aimer pas passionnément la domination de Florence. Toutes ces considérations furent pesées et examinées. On pesa l'apparent, le douteux et le possible, et l'on se fixa à la résolution que je viens de vous marquer, avec une sagesse qui était d'autant plus profonde qu'elle paraissait hardie. Il faut avouer qu'il n'y a peut-être jamais eu de concert où l'harmonie était si juste qu'en celui-ci, et il semblait que tous ceux qui y entraient ne fussent nés que pour agir les uns avec les autres. L'activité d'Imperiali y était tempérée par le flegme de Lomlin. La profondeur d'Ottoboni se servait utilement de la hauteur d'Aquaviva. La candeur d'Omodei et la froideur de Gualtieri y couvraient, quand il était nécessaire, l'impétuosité de Pio et la duplicité d'Albizzi. Azzolin, qui est un des plus beaux et des plus faciles esprits du monde, veillait avec une application d'esprit continuelle au mouvement de ses différents ressorts, et l'inclination que messieurs les cardinaux de Médicis et Barberin, chefs des deux factions les plus opposées, prirent pour moi d'abord, suppléa dans les rencontres, en ma personne, au défaut des qualités qui m'étaient nécessaires pour y tenir mon coin. Tous les acteurs firent bien, le théâtre y fut toujours rempli, les scènes n'y furent pas beaucoup diversifiées, mais la pièce fut belle, d'autant plus qu'elle fut simple. Quoi qu'en ait écrit les compilateurs des conclaves, il n'y eut de mystère que celui que je vous expliquais ci-devant. Il est vrai que les épisodes en furent curieux. Je m'explique. Le conclave fut, si je ne me trompe, de 80 jours. Nous donnions tous les matins et toutes les après-dînées 32 et 33 voix à Sacchetti, et ces voix étaient celles de la faction de France, des créatures du pape Urbain, oncle de M. le cardinal Barberin, et de l'escadron volant. Celles des Espagnols, des Allemands et des Médicis se répandaient sur différents sujets dans tous les scrutins, et ils affectaient d'en user ainsi pour donner à leur conduite un air plus ecclésiastique et plus épuré d'intrigues et de cabales que le nôtre n'avait. Ils ne réussirent pas dans leur projet, parce que les mœurs très déréglées de M. le cardinal Jean-Charles de Médicis et de M. le cardinal Trivuls, qui étaient proprement les âmes de leur faction, donnaient bien plus de lustre à la piété exemplaire de M. le cardinal Barberin qu'ils ne lui en pouvaient ôter par leurs artifices. Le cardinal Cesi, pensionnaire d'Espagne et l'homme le plus singe en tout sens que j'ai jamais connu, me disait un jour à ce propos fort plaisamment « Vous nous battrez à la fin, car nous nous décréditons en ce que nous nous voulons faire passer pour gens de bien. » Le faux trompe quelquefois, mais il ne trompe pas longtemps quand il est relevé par d'habiles gens. Leur faction perdit, en peu de temps, le concetto, qu'ils appellent en ce pays-là, de vouloir le bien. Nous gagnâmes de bonne heure cette réputation parce que, dans la vérité, Sacchetti, qui était aimé à cause de sa douceur, passait pour homme de bonnes et droites intentions, et parce que le ménagement que la maison de Médicis était obligée d'avoir pour le cardinal Rasponi, quoiqu'elle ne l'eût pas voulu en effet pour pape, nous donna lieu de faire croire dans le monde qu'elle voulait installer dans la chaire de Saint-Pierre la Volpe. C'est ainsi que l'on appelait le cardinal Rasponti, parce qu'il passait pour un fourbe. Ces dispositions, jointes à plusieurs autres qui seraient trop longues à déduire, firent que la faction d'Espagne s'aperçut qu'elle perdait du terrain, et quoique cette perte n'alla pas jusqu'au point de lui faire croire que nous pensions à faire le pape sans sa participation, elle ne laissa pas d'appréhender que son parti ayant beaucoup de vieillards et le nôtre de jeunes, le temps ne put être facilement pour nous. Nous surprîmes une lettre de l'ambassadeur d'Espagne au cardinal Sforze, qui faisait voir cette crainte en termes exprès, et nous comprîmes même, par l'air de cette lettre plus que par ses paroles, que cet ambassadeur n'était pas trop content de la manière d'agir des Médicis. Je suis trompé si ce ne fut Monseigneur Febeil qui surprit cette lettre. Cette semence fut cultivée avec beaucoup de soin dès qu'elle eut paru, et l'escadron qui, par le canal de Borromée, Milanois et d'Aquaviva, Napolitain, gardait toujours beaucoup de mesures d'honnêteté avec l'ambassadeur d'Espagne, n'oublia pas de lui faire pénétrer qu'il était du service du roi son maître, et de son intérêt particulier de lui ambassadeur, de ne se pas si fort abandonner aux Florentins, qu'il assujettit, et à leurs maximes, et à leurs caprices, la conduite d'une couronne pour laquelle tout le monde avait du respect. Cette poudre s'échauffa peu à peu, et elle prit feu dans son temps. Je vous ai déjà dit que la faction de France donnait toute sa force à Sacchetti avec nous. La différence est qu'elle y donnait à l'aveugle, croyant qu'elle y pourrait réussir, et que nous y donnions avec une lumière presque certaine que nous ne pourrions pas l'emporter, ce qui faisait qu'elle n'y prenait point des mesures hypothétiques, si l'on peut parler ainsi, c'est-à-dire qu'elle ne songeait pas à se résoudre à quel parti elle prendrait, en cas qu'elle ne pût réussir à Sacchetti. Comme le nôtre était pris selon cette disposition que nous tenions presque pour constante, nous nous appliquions par avance à affaiblir celle de France pour le temps dans lequel nous jugions qu'elle nous serait opposée. Je donnai par hasard l'ouverture à Jean Carlet de débaucher le cardinal Ursine, qui lutte à bon marché, et ainsi, dans le moment que la faction d'Espagne ne songeait qu'à se défendre de Sacchetti, et que celle de France ne pensait qu'à le porter, nous travaillons pour une fin sur laquelle ni l'une ni l'autre ne faisaient aucune réflexion, à diviser celle-là et affaiblir celle-ci. L'avantage de se trouver en cet état est grand, mais il est rare. Il fallait pour cela une rencontre pareille à celle dans laquelle nous étions et qui ne se verra peut-être pas en 10 000 ans. Nous voulions Chigi, et nous ne le pouvions avoir qu'en faisant tout ce qui était en notre pouvoir pour l'exaltation de Saketi, et nous étions moralement assurés que ce que nous ferions pour Saketi ne pourrait réussir, de sorte que la bonne conduite nous portait à ce à quoi nous étions obligés par la bonne foi. Cette utilité n'était pas seule. Notre manœuvre couvrait notre marche, et nos ennemis tiraient à faux, parce qu'ils visaient à faux et toujours où nous n'étions pas. Vous verrez le succès de cette conduite après que je vous aurai expliqué celle de Chigi et la raison pour laquelle nous avions jeté les yeux sur lui. Il était créature du pape innocent et le troisième de la promotion de laquelle j'avais été le premier. Il avait été inquisiteur à Malte et non à Münster, et il avait acquis en tout lieu la réputation d'une intégrité sans tache. Ses mœurs avaient été sans reproche dès son enfance. Il savait assez d'humanité pour faire paraître au moins une teinture suffisante des autres sciences. Sa sévérité paraissait douce, ses maximes paraissaient droites, il se communiquait peu, mais ce peu qu'il se communiquait était mesuré et sage. Savio col silencio, mieux comme que j'ai jamais connu. Tous les dehors d'une piété véritable et solide relevaient merveilleusement toutes ses qualités, ou plutôt toutes ses apparences. Ce qui leur donnait un corps au moins fantastique, était ce qui s'était passé à Münster entre Servien et lui. Celui-là, qui était connu et reconnu pour le démon exterminateur de la paix, s'était cruellement brouillé avec le comte Arin, ambassadeur de Venise, homme sage et homme de bien. Chigi se signala pour le comte Arin, sachant qu'il faisait fort bien sa cour à Innocent. L'opposition de Servien, qui était dans l'exécration des peuples, lui concilia l'amour public et lui donna de l'éclat. La marche qu'il garda avec le cardinal Mazarin lorsqu'il se trouva, ou à Aix-la-Chapelle, ou à Bruxelles, en revenant de Münster, plut à sa sainteté. Elle le rappela à Rome, et le fit secrétaire d'État et cardinal. On ne le connaissait que par les endroits que je viens de vous marquer. Comme Innocent était d'un génie fort perçant, il découvrit bientôt que le fond de celui de Chigi n'était ni si bon ni si profond qu'il ne se l'était imaginé. Mais cette pénétration du pape ne nuisit pas à la fortune de Chigi. Au contraire, elle y servit, parce qu'Innocent, qui se voyait mourant, ne voulut point condamner son propre choix, et que Chigi, qui par la même raison ne craignait le pape que médiocrement, se fit un honneur de se faire passer dans le monde pour un homme d'une vertu inébranlable et d'une rigidité inflexible. Il ne faisait point sa cour à la signora Olympia, qui était abhorrée dans Rome. Il blâmait assez ouvertement tout ce que le public n'approuvait pas de cette cour-là, et tout le monde, qui est et qui sera éternellement dupe en ce qui flatte son aversion, admirait sa fermeté et sa vertu sur un sujet sur lequel on ne devait tout au plus louer que son bon sens, qui lui faisait voir qu'il semait de la graine pour le pontificat futur, dans un champ où il n'avait plus rien à cueillir pour le présent. Le cardinal Azzolin, qui avait été secrétaire des brefs dans le même temps que l'autre avait été secrétaire d'État, avait remarqué dans ses maximes de certaines finauteries, qui n'avaient pas de rapport à la candeur dont il faisait profession. Il me le dit avant que nous entrassions dans le conclave, mais il ajouta en me le disant que sur le tout il n'en voyait point de meilleur, et que, de plus, sa réputation était si bien établie, même dans l'esprit de nos amis de l'escadron, que ce qu'il leur en pourrait dire ne passerait auprès d'eux que comme un reste de quelques petits démêlés qu'ils avaient eu ensemble pour la compétence de leur charge. Je fis d'autant moins de réflexions sur ce qu'Azzolin m'en disait, que j'étais moi-même tout à fait préoccupé en faveur de Chigi. Il avait ménagé avec soin l'abbé Charrier dans le temps de ma prison. Il lui avait fait croire qu'il faisait des efforts incroyables pour moi auprès du pape. Il pestait contre lui avec l'abbé Charrier, et avec plus d'emportement même que lui, de ce qu'il ne poussait pas assez avec de vigueur le cardinal Mazarin sur mon sujet. L'abbé Charrier avait chez lui toutes ses entrées, comme s'il avait été son domestique, et il était persuadé qu'il était mieux intentionné et plus échauffé pour moi que moi-même. Je n'eus pas sujet d'en douter dans tout le cours du conclave. J'étais assis immédiatement au-dessus de lui au scrutin, et tant qu'il durait, j'avais lieu de l'entretenir. Ce fut, je crois, par cette raison qu'il affecta de ne vouloir écouter que moi sur ce qui regardait son pontificat. Il répondit à quelqu'un de ceux de l'escadron, qui s'ouvrait à lui de leur dessein, d'une manière si désintéressée qu'il les édifia. Il ne se trouvait ni aux fenêtres où l'on va prendre l'air, ni dans les corridors où l'on se promène ensemble. Il était toujours enfermé dans sa cellule, où il ne recevait même aucune visite. Il recevait de moi quelques avis que je lui donnais au scrutin, mais il les recevait toujours ou d'une manière s'éloignait du désir de la tiare qui l'attirait mon admiration, ou tout au plus avec des circonstances si remplies de l'esprit ecclésiastique que la malignité la plus noire n'eût pu s'imaginer d'autre désir que celui dont parle saint Paul quand il dit que « Qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat ». Tous les discours qu'il me faisait n'étaient pleins que de zèle pour l'Église et de regrets de ce que Rome n'étudiait pas assez l'Écriture, les conciles et la tradition. Il ne se pouvait lasser de m'entendre parler des maximes de la Sorbonne. Comme l'on ne se peut jamais si bien contraindre qu'il n'échappe toujours quelque chose du naturel, il ne se put si bien couvrir que je ne m'aperçusse qu'il était homme de minutie, ce qui est toujours signe non seulement d'un petit génie, mais encore d'une âme basse. Il me parlait un jour des études de sa jeunesse, et il me disait qu'il avait été 2 ans écrire d'une même plume. Cela n'est qu'une bagatelle. Mais comme j'ai remarqué souvent que les plus petites choses sont quelquefois de meilleures marques que les plus grandes, cela ne me plut pas. Je le dis à l'abbé Charrier, qui était un de mes conclavistes. Je me souviens qu'il m'en gronda, en me disant que j'étais un maudit, qui ne savait pas estimer la simplicité chrétienne. Pour abréger, Jiggy fit si bien, par sa dissimulation profonde, que nonobstant sa petitesse qu'il ne pouvait cacher à l'égard de beaucoup de petites choses, sa physionomie, qui était basse, et sa mine, qui tenait beaucoup du médecin, quoiqu'il fût de bonne naissance, il fit si bien, dis-je, que nous crûmes que nous renouvellerions en sa personne, si nous le pouvions porter au pontificat, la gloire et la vertu de Saint Grégoire et de Saint Léon. Nous nous trompâmes dans cette espérance. Nous réussîmes à l'égard de son exaltation, parce que les Espagnols appréhendaient, par les raisons que je vous ai marquées ci-devant, que l'opiniâtreté des jeunes ne l'emportât sur celle des vieux, et que Barberin, désespéré à la fin de pouvoir réussir pour sa Ketty, vu l'engagement et la déclaration publique des Espagnols et des Médicis. Nous nous résolûmes de prendre, quand il en serait temps, ce défaut, pour insinuer aux deux parties l'avantage que ce leur serait à l'un et à l'autre de penser à Chiqui. Nous fîmes état que Borromée ferait voir aux Espagnols qu'il ne pouvait mieux faire, vu l'aversion que la France avait pour lui, et que je ferais voir à M. le cardinal Barberin que, n'ayant personne dans ses créatures qu'il fût possible de porter au pontificat, il acquérait un mérite infini envers toute l'Église de le faire tomber sans aucune apparence d'intérêt au meilleur sujet. Nous crûmes que nous trouverions des secours pour notre dessein dans les dispositions des particuliers des factions, et voici sur quoi nous nous fondions. Le cardinal Montalte, qui était de celle d'Espagne, homme d'un petit talent mais bon, de grandes dépenses et qui avait un air de grand seigneur, avait une grande frayeur que le cardinal Fiorenzola, jacobin et esprit vigoureux, ne fut proposé par le cardinal Grimaldi, qui était son ami intime et dont les travers avaient assez de rapport à celui de Fiorenzola. Nous résolûmes de nous servir utilement de cette appréhension de Montalte pour lui donner presque insensiblement de l'inclination pour Chigi. Le vieux cardinal de Médicis, qui était l'esprit du monde le plus doux, était la moitié du jour fatigué et de la longueur du conclave et de l'impétuosité du cardinal Giancarlo, son neveu, qui ne l'épargnait pas quelquefois lui-même. J'étais très bien avec lui, et au point même de donner de la jalousie à M. le cardinal Giancarlo. Et ce qui m'avait procuré particulièrement son amitié était sa candeur naturelle, qui avait fait qu'il avait pris plaisir à ma manière d'agir avec lui. Je faisais profession publique de l'honorer, et je lui rendais même avec soin mes devoirs. Mais je n'avais pas laissé de m'expliquer clairement avec lui sur mes engagements avec M. le cardinal Barberin et avec l'escadron. Ma sincérité lui avait plu, et il se trouva par l'événement qu'elle me fut plus utile que n'aurait été l'artifice. Je ménageais avec application son esprit, et je jugeais que je me trouverais bientôt en état de le disposer peu à peu et à se radoucir pour M. le cardinal Barberin, qui était brouillé avec toute sa maison, et à ne pas regarder M. le cardinal Chigi comme un homme aussi dangereux qu'on le lui avait voulu faire croire. On ne s'endormit pas, comme vous voyez, à l'égard de l'Espagne et de la Toscane, quoique l'on y parut à elle-même sans action, parce qu'il n'était pas encore temps de se découvrir. On n'eut pas moins d'attention envers la France, dont l'opposition à Chigi était encore plus publique et plus déclarée que celle des autres. M. de Lyonne, neveu de Servien, en parlait à qui le voulait entendre comme d'un pédant, et il ne présumait pas qu'on le pût seulement mettre sur les rangs. M. le cardinal Grimaldi, qui dans le temps de leur prélature avait eu je ne sais quel malentendu avec lui, disait publiquement qu'il n'avait qu'un mérite d'imagination. Il ne se pouvait que M. le cardinal d'Este n'appréhendât, comme frère du duc de Modène, l'exaltation d'un sujet désintéressé et ferme, qui sont les deux qualités que les princes d'Italie craignent uniquement dans un pape. Vous avez vu ci-devant qu'il y avait eu même du personnel entre lui et monsieur le cardinal Mazarin en Allemagne, et nous jugeâmes, par toutes ces considérations, qu'il était à propos d'adoucir les choses autant que nous le pourrions de ce côté-là, qui, quoique faible, nous pourrait peut-être faire obstacle. Je dis quoique faible, parce que, dans la vérité, la faction de France ne faisait pas une figure assez considérable dans ce conclave pour que nous ne puissions prétendre, et que nous ne prétendissions, en effet, de faire un pape malgré elle. Ce n'est pas qu'elle manquât de sujet, et même capable. Est, qui était protecteur, suppléait par sa qualité, par sa dépense et par son courage, à ce que l'obscurité de son esprit et l'ambiguïté de ses expressions diminuaient de sa considération. Grimaldi joignait, à la réputation de vigueur qu'il a toujours eue, un air de supériorité aux manières serviles des autres cardinaux de la faction, et il élevait par là au-dessus d'eux sa réputation. Bichi, habile et rompu dans les affaires, y devait tenir naturellement un grand poste. Monsieur le cardinal Antoine brillait par sa libéralité, et monsieur le cardinal Ursine par son nom. Voilà bien des circonstances qui devaient faire qu'une faction ne fût pas méprisable. Il s'en fallait fort peu que celle de la France ne le fût avec toutes ces circonstances, parce qu'elles se trouvèrent compliquées avec d'autres qui les empoisonnèrent. Grimaldi, qui haïssait Mazarin autant qu'il en était haï, n'agissait presque en rien, et d'autant moins qu'il croyait, et avec raison, que de Lyonne, qui avait au dehors le secret de la cour, ne le lui confia pas. Est, qui tremblait avec tout son courage, parce que le marquis de Caracène entra justement, en ce temps-là, dans le Modenois avec toute l'armée du Milanès, faisait qu'il n'osait s'étendre de toute sa force contre l'Espagne. Je vous ai déjà dit que les Médicis n'étaient pas brouillés avec Ursine. Antoine n'était ni intelligent ni actif, et de plus l'on n'ignorait pas que dans le fond du cœur, le cardinal Barbarin, qui était très mal à la cour de France, ne l'emporta. De Lyonne ne pouvait pas prendre une entière confiance, parce qu'il ne se pouvait pas assurer que le cardinal Barbarin, qui voulait aujourd'hui sa Ketty, qui était agréable à la France, n'en voulût pas demain un autre qui lui fût désagréable. Et cette même considération diminuait encore de beaucoup la confiance que de Lyonne eût pu prendre au cardinal d'Est, parce qu'on savait qu'il gardait toujours beaucoup d'égards avec le cardinal Barbarin, et par l'amitié qui avait été longtemps entre eux, et par la raison de la duchesse de Modène qui était sa nièce. Bichi n'était pas selon le cœur de Mazarin, qui le croyait trop fin et très mal disposé pour lui, comme il était vrai. Voilà, comme vous voyez, un détail qui vous peut empêcher de vous étonner de ce que la faction d'une couronne puissante et heureuse n'était pas considérée autant qu'elle devait l'être dans une conjoncture pareille. Vous en serez encore moins surprise quand il vous plaira de faire réflexion sur le premier mobile qui donnait le mouvement à des ressorts aussi mal assortis, ou plutôt aussi dérangés qu'étaient ceux que je viens de vous montrer. De Lyonne n'était connu à Rome que comme un petit secrétaire de M. le cardinal Mazarin. On l'y avait vu, dans le temps du ministère de M. le cardinal de Richelieu, particulier d'un assez bas étage, et de plus prélandier et concubinaire public. Il y eut depuis quelque espèce d'emploi en Italie touchant les affaires de Parme. Mais cet emploi n'avait pas été assez grand pour le devoir porter d'un saut à celui de Rome, ni son expérience assez consommée pour lui confier la direction d'un conclave, qui est incontestablement de toutes les affaires la plus aiguë. Les fautes de ce genre sont assez communes dans les États qui sont dans la prospérité, parce que l'incapacité de ceux qu'ils emploient s'y trouve souvent suppléée par le respect que l'on a pour leur maître. Jamais royaume ne s'est plus confié en ce respect que la France dans le temps du ministère du cardinal Mazarin. Ce n'est pas, je sûr, il l'éprouva dans l'occasion dont il s'agit. M. de Lyonne n'y eut ni assez de dignité, ni assez de capacité pour tenir en équilibre entre tous ces ressorts qui se démanchaient. Nous le reconnûmes en peu de jours, et nous nous en servîmes utilement pour notre fin. Je vous ai déjà dit, ce me semble, qu'ayant été averti que de Lyonne avait mécontenté M. le cardinal Ursine sur un reste de pension, qui n'était que 1000 écus, j'en informai monsieur le cardinal de Médicis assez à temps pour lui donner lieu de le gagner à une condition si petite que pour l'honneur de la pourpre je crois que je ferais bien mieux de ne le point dire. Vous verrez dans la suite que nous nous servîmes encore avec plus de fruits de l'indisposition que monsieur le cardinal Bichi avait pour lui pour diviser et pour déconcerter encore la faction de France plus qu'elle ne l'était. Mais comme ce n'était pas celle que nous appréhendions le plus, quoique ce fût celle qui nous fût le plus opposée, nous n'avancions notre travail du côté qui la regardait que subordonnément au progrès que nous faisions des deux autres, d'où nous craignions, et avec raison, de trouver plus de difficultés. Vous avez déjà vu les raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas ignorer que l'Espagne et les Médicis donneraient malaisément à Chigi, et vous avez vu aussi la manœuvre que nous faisions pour lever, peu à peu et même imperceptiblement, leurs indispositions. Je dis imperceptiblement, et ce fut là notre plus grand embarras, car si Barberin se fût seulement le moins du monde aperçu que nous eussions eu la moindre vue pour Chigi, il nous aurait échappé infailliblement, parce qu'avec toute la vertu imaginable, il a tout le caprice possible, et qu'il ne se fût jamais empêché de s'imaginer que nous le trompions sur le sujet de sa Cathy. Ce fut proprement en cet endroit où j'admirais la bonne foi, la prévoyance, l'activité et la pénétration de l'escadron, et particulièrement d'Azzoline, qui fut celui qui se donna le plus de mouvement. Il ne s'y fit pas un pas à l'égard de Barbara et de sa Cathy qui ne put être avoué par la morale la plus sévère. Comme l'on voyait clairement que tout ce qu'on faisait pour lui serait inutile par l'événement, l'on n'oublia aucune démarche de celle que l'on jugea être utile à lever les indispositions que l'on prévoyait se devoir trouver de la part de la France, de l'Espagne et de Florence, et même de Barbarin à l'exaltation de Chigi lorsqu'elle serait en état d'être proposée. Comme l'on ne pouvait douter que pour peu que Barbarin s'aperçût de notre dessein, il entra en défiance de nous-mêmes, nous couvrîmes avec une application si grande et si heureuse notre marche qu'il ne la connut lui-même que par nous et quand nous crûmes qu'il était nécessaire qu'il la connût. Ce qu'il y avait de plus embarrassant pour nous était que, comme nous avions encore plus de besoin de lui que des autres parce qu'enfin nous en tirions notre principale force, il fallait que par préalable même à tout le reste, nous travaillassions à lever les obstacles que nous prévoyions même très grands à notre dessein dans la faction du pape urbain. Nous savions que l'unique et journalière application des vieux cardinaux, qui en était et qui voyait comme nous l'impossibilité de réussir à l'exaltation de sa Cathy, c'était de faire comprendre à Barberin qu'il lui serait d'une extrême honte que l'on prît un pape qui ne fût pas de ses créatures. Tout conspirait à lui donner cette vue. Chacun prétendait de se l'appliquer en son particulier. Ginetti ne doutait pas que l'attachement qu'il avait de tout temps à sa maison ne lui en eût donné la préférence. Cecchini était persuadé qu'elle était due à son mérite. Rapaccioli, qui n'avait pourtant que 41 ans ou un peu plus, je ne m'en souviens pas précisément, s'imaginait que sa piété, sa capacité et son peu de sa santé l'y pourraient porter même avec facilité. Fiorenzola se laissait chatouiller par les imaginations de Grimaldi, dont le naturel est de croire aisément tout ce qu'il désire. Ceux qui n'ont pas vu les conclaves ne se peuvent figurer les illusions des hommes en ce qui regarde la papauté, et l'on a raison de l'appeler Rabbia Papale. Cette illusion, toutefois, était toute propre à nous faire manquer notre coup, parce que la clameur de toute la faction du pape urbain était toute propre à faire appréhender à Barberin de perdre en un moment toutes ses créatures s'il choisissait un pape hors d'elle. Cet inconvénient, comme vous le voyez, était fort grand, mais nous trouvâmes le remède dans le même lieu d'où nous appréhendions le mal, car la jalousie qui était entre eux les obligea par avance à faire tant de pas les uns contre les autres qu'ils fâchèrent Barberin, parce qu'ils n'eurent pas la même circonspection que nous à cacher leurs sentiments sur l'impossibilité de l'exaltation de sa Cathy. Il crut qu'il voulait croire cette impossibilité pour relever leurs propres intérêts. Il les considéra au commencement comme des ingrats et des ambitieux, et cette indisposition fit que, quand il vint lui-même à connaître qu'il ne pouvait réussir à sa Cathy, il se résolut plus facilement à sortir de sa faction et à se persuader qu'il hasarderait moins la perte de ses créatures en leur faisant voir qu'il était emporté dans une autre par ses alliés que de l'aigrir tout entière par la préférence de l'une à l'autre. Car il faut remarquer qu'elle cédait toute à sa Cathy à cause de son âge et de ses manières, qui, dans la vérité, étaient amiables. Ce n'est pas qu'à mon opinion il n'eût été de lui comme de Galba, digne de l'Empire s'il n'eût point été empereur, mais enfin, on n'en était point là. Les autres créatures de Barberin s'étaient réglées sur ce point, mais comme il ne croyait pas à son exaltation possible, cette déférence ne faisait qu'augmenter la jalousie enragée qu'ils avaient par avance les uns contre les autres. Le vieux Spada, rompu et corrompu dans les affaires, se déclara contre Rapaccioli jusqu'à faire un libelle contre lui, par lequel il l'accusait d'avoir cru que le diable pouvait être reçu à la pénitence. Montalte dit publiquement qu'il avait de quoi s'opposer en forme à l'exaltation de Fiorenzola. Celui-ci, dont je vous ai déjà parlé, fit une description assez plaisante de la beauté du carnaval que la signora Basti, belle et galante, nièce de Cecchini, donnerait au public si son oncle était pape. Toutes ces aigreurs, toutes ces niaiseries, peu dignes à la vérité d'un conclave, déplurent au dernier point à Barberin, esprit pieux et sérieux, qui ne blessa ni mon devoir, ni la prétendue tendresse de conscience de Chigi. Comme dans les grandes conversations que j'avais eues avec lui dans les scrutins, il m'avait pénétré, ce qui lui était fort aisé parce que je ne me couvrais pas auprès de lui, il avait connu que je n'approuvais point qu'on s'entêtât pour les personnes et qu'il suffisait d'éclaircir la vérité. Il me témoigna entrer lui-même dans ses sentiments, et je sujet de croire qu'il était tout propre, par ses maximes, à rendre la paix à l'Église. Il s'en expliqua lui-même assez publiquement et raisonnablement, car Albizzi, pensionnaire des Jésuites, s'étant emporté, même avec brutalité contre l'extrémité, se disait-il de l'esprit de saint Augustin, Chigi prit la parole avec vigueur, et il parla comme le respect que l'on doit au docteur de la grâce le requiert. Cette rencontre assura absolument Barberin, et beaucoup plus encore que tout ce que je lui en avais dit. Dès qu'il eut pris son parti, nous commençâmes à mettre en œuvre les matériaux que nous n'avions fait jusque-là que disposer. Nous agîmes chacun de notre côté, suivant que nous l'avions projeté. Nous nous expliquâmes de ce que nous avions le plus souvent caché avec soin, ou que nous n'avions tout au plus qu'insinué. Borromée et Aquaviva se développèrent plus pleinement vers l'ambassadeur d'Espagne. Azzoline brilla dans les diverses factions avec plus de liberté. Je m'étendis de toute ma force envers le cardinal doyen. Il prit confiance en moi sur le désir qu'il avait d'adoucir le grand-duc par les Barberins. Le cardinal Barberin lut tout entière sur la joie qu'il en avait. Azzoline ou Lomlin, je ne me souviens pas précisément lequel ce fut, découvrit que Bicci, qui était allé à Chigi, était très bien intentionné pour lui dans le fond. Il entra dans ce commerce habilement et adroitement, et si bien que Bicci, qui ne crut pas que le Mazarin eût assez de confiance en lui pour concourir sur sa parole à l'exaltation de Chigi, employa pour le persuader sa Ketty, qui, lassée comme il me semble que je vous l'ai dit ci-dessus, de se voir balloter inutilement tous les soirs et tous les matins, lui dépêcha un courrier pour l'avertir que Chigi serait pape en dépit de la France, s'il faisait tant que de lui donner l'exclusion comme l'on disait. Car dès qu'on le vit sur les rangs, tous les subalternes, selon le style de la nation, publièrent que le roi ne le souffrirait jamais. Mazarin ne fut pas de leur sentiment, et il renvoya par le même courrier ordre à de Lyonne de ne le point exclure. Il eut raison, car je suis persuadé que si l'exclusion en fut arrivée, Chigi eût été pape 3 jours plus tôt qu'il ne le fut. Les couronnes ne doivent jamais hasarder facilement ces exclusions. Il y a des conclaves où elles peuvent réussir. Il y en a d'autres où le succès serait impossible. Celui-là était du nombre. Le sacré collège était fort, et de plus, il sentait sa force. Les choses étant dans l'état que je viens de poser, messieurs les cardinaux de Médicis et Barberin me chargèrent, sur les 9 heures du soir, d'en aller porter la nouvelle à monsieur le cardinal Chigi. Je le trouvai au lit. Je lui baisai la main. Il m'entendit et il me dit en m'embrassant « Ecco l'effetto della buona vicinanza ». Je vous ai déjà dit que j'étais au scrutin auprès de lui. Tout le collège y a couru ensuite. Il m'envoya quérir sur les 11 heures, après que tout le monde fut sorti de sa cellule, et je ne puis vous exprimer les bontés avec lesquelles il me traita. Nous l'allâmes tous prendre, le lendemain au matin, dans sa cellule, et nous l'accompagnâmes à la chapelle du scrutin, où il eut, ce me semble, toutes les voix, à la réserve d'une ou tout au plus de 2. Le soupçon tomba sur le vieux Spada, Grimaldi et Rossetti, lesquels, à la vérité, furent les seuls qui improuvèrent, au moins publiquement, son exaltation. Grimaldi me dit à moi-même que j'avais fait un choix dont je me repentirais en mon particulier. Il se trouva par l'événement qu'il dit vrai. J'attribuais son discours à son travers. L'aversion de Spada à l'envie qui lui était naturelle, et celle de Rossetti à l'appréhension qu'il avait de la sévérité de Chigi. Je crois encore que je ne me trompais pas dans ce jugement, quoique j'avoue qu'ils ne se trompaient pas eux-mêmes pour le fond. Ce qui est constant est que jamais élection de pape n'a été plus universellement applaudie. Il ne se défaillit pas à lui-même dans les premiers moments qui, par une imperfection assez bizarre de la nature humaine, surprennent davantage les gens qui les attendent avec le plus d'impatience. La suite a fait voir qu'il n'était pas assez homme de bien pour n'en avoir pas eu beaucoup dans ce rencontre. il fut si éloigné d'en donner aucune marque, que nous eûmes sujet de croire qu'il en avait même de la douleur. Il pleura amèrement au même moment que le relisait le scrutin qui le faisait pape. Et comme il vit que je le remarquais, il m'embrassa d'un bras et prit de l'autre l'homeline qui était au-dessous de lui, et il nous dit à l'un et à l'autre « Pardonnez cette faiblesse à un homme qui a toujours aimé ses proches avec tendresse et qui s'en voit séparé pour jamais. » Nous descendîmes, après les cérémonies accoutumées, à Saint-Pierre. Il affecta de ne s'asseoir que sur le coin de l'autel, quoique les maîtres des cérémonies lui dirent que la coutume était que les papes se misent justement sur le milieu. Il y reçut l'adoration du sacré collège avec beaucoup plus de modestie que de grandeur, avec beaucoup plus d'abattement que de joie. Et lorsque je m'approchai à mon tour pour lui baiser les pieds, en m'embrassant, il me dit si haut que les ambassadeurs d'Espagne et de Venise et le connétable Colonne l'entendirent, « Seigneur cardinal de Ré, ecce opus manum tuarum. » Vous pouvez juger de l'effet que fit cette parole. Les ambassadeurs la dirent à ceux qui étaient auprès d'eux. Elle se répandit en moins d'un rien dans toute l'église. Châtillon, frère de Barillon, me la redit une heure après, en me rencontrant comme je sortais, et je retournai chez moi, accompagné de plus de 6-20 carrosses, qui étaient tous pleins de gens persuadés que j'allais gouverner le pontificat. Je me souviens que Châtillon me dit à l'oreille, « Je suis résolu de compter les carrosses pour rendre ce soir un compte exact à M. de Lyonne. Il ne faut pas épargner cette joie au cocu. » Je vous ai promis quelques épisodes. Je vais vous tenir ma parole. Vous avez déjà vu que la faction de France avait un ordre du roi, non pas seulement de ne pas communiquer avec moi, mais même de ne pas me saluer. Monsieur le cardinal d'Este évita avec soin de me rencontrer. Quand il ne le put, il tourna la tête de l'autre côté, où il fit semblant de ramasser un mouchoir ou de parler à quelqu'un. Enfin, comme il a toujours affecté de paraître ecclésiastique, il affecta aussi, à mon opinion, de témoigner en cette occasion qu'une conduite qui blessait même l'apparence de la charité chrétienne lui faisait de la peine. Antoine me saluait toujours fort honnêtement, quand personne ne le voyait, mais comme il était fort bas à la cour et fort timide, il se redressait en public, et Ursine, qui était l'âme du monde la plus vile, me morguait également partout. Bichi me saluait toujours civilement, et Grimaldi n'observait l'ordre du roi qu'en ce qu'il ne me visitait pas, car il me parlait même dans la rencontre et toujours fort honnêtement. Ce détail vous paraît sans doute une minutie, mais ce qui fait que je ne l'aimais pas, et qu'il me paraît être une véritable et bien naturelle image de la lâcheté politique des courtisans. Chacun d'eux la monte et la baisse à son cran, et leur inclination la règle sans comparaison davantage que leur véritable intérêt. Ils se conduisirent tous dans le conclave différemment sur mon sujet. J'observai qu'ils s'en turent tous également à la cour. J'appliquai depuis cet exemple à 1000 autres. Je vivais avec autant d'honnêteté à leur égard que s'ils eussent fort bien vécu avec moi. J'avais toujours la main au bonnet devant eux, de 50 pas, et je poussais ma civilité jusqu'à l'humilité. Je disais à qui le voulait entendre que je leur rendais ces respects, non pas seulement comme à mes frères, mais encore comme à des serviteurs de mon roi. Je parlais en français, en chrétien, en ecclésiastique, et Ursine m'ayant un jour morgué si publiquement que tout le monde s'en scandalisa, je renouvelai d'honnêteté pour lui à un point que tout le monde s'en édifia. Ce qui arriva, le lendemain, releva cette modestie, ou plutôt cette affectation de modestie. Le cardinal Jean Carlet de Médicis, qui était naturellement impétueux, s'éleva contre moi sur ce que j'étais, se disait-il, trop uni avec l'escadron. Je lui répondis avec toute la considération que je devais et à sa personne et à sa maison. Il ne laissa pas de s'échauffer et de me dire que je me devrais souvenir des obligations que ma maison avait à la sienne, sur quoi je lui dis que je ne les oublierais jamais, et que M. le cardinal doyen et M. le grand-duc en étaient très persuadés. « Je ne suis pas moi, » reprit-il tout d'un coup, « que vous vous souveniez bien que sans la reine Catherine, vous seriez un gentilhomme comme un autre à Florence. « Pardonnez-moi, monsieur, » lui répondis-je en présence de 12 ou 15 cardinaux, « et pour vous faire voir que je sais bien ce que je serais à Florence, je vous dirais que si j'étais selon ma naissance, j'y serais autant au-dessus de vous que mes prédécesseurs y étaient au-dessus des vôtres, il y a 400 ans. » Je me tournai ensuite vers ceux qui étaient présents et je leur dis « Vous voyez, messieurs, que le sang français s'émeut aisément contre la faction d'Espagne. » Le grand-duc et le cardinal doyen eurent l'honnêteté de ne point s'aigrir de cette parole. Et le marquis Ricardi, ambassadeur du premier, me dit au sortir du conclave qu'elle lui avait même plu et qu'il avait blâmé le cardinal Jean Carlet. Il y eut une autre scène, quelques jours après, qui me fut assez heureuse. Le duc de Terranchieva, ambassadeur d'Espagne, présenta un mémorial au Sacré Collège à propos de je ne sais quoi dont je ne me souviens point, et il donna dans ce mémorial la qualité de fils aîné de l'Église au roi son maître. Comme le secrétaire du collège le lisait, je remarquai cette expression qui ne fut point, à mon sens, observée par les cardinaux de la faction. Il est au moins certain qu'elle ne fut pas relevée. Je leur en laissais tout le temps, afin de ne faire paraître ni précipitation ni affectation. Comme je vis qu'ils demeuraient tous dans un profond silence, je me levai, je sortis de ma place, et en m'avançant du côté de M. le cardinal doyen, je m'opposai en forme à l'article du mémorial, dans lequel le roi catholique était appelé fils aîné de l'Église. Je demandai acte de mon opposition, et on me l'accorda, et en bonne forme, signé de 4 maîtres de cérémonie. Monsieur le cardinal Mazarin eut la bonté de dire au roi et à la reine-mère, en plein cercle, que cette pièce avait été concertée avec l'ambassadeur d'Espagne pour m'en faire honneur en France. Il n'est jamais honnête, un ministre, d'être imposteur, mais il n'est pas même politique de porter l'imposture au-delà de toutes les apparences. Je ne puis finir cette matière des conclaves sans vous en faire une peinture qui vous les fasse connaître et qui efface l'idée que vous avez sans doute prise sur le bruit commun et peut-être sur la lecture de ces relations fabuleuses qui en ont été faites. Ce que je viens même de vous exposer de celui d'Alexandre VII ne vous en aura pas détrompé, parce que vous y avez vu des murmures, des plaintes, des aigreurs. Et c'est ce qu'il est, à mon opinion, nécessaire de vous expliquer. Il est certain qu'il y eut dans ce conclave plus de ces murmures, de ces plaintes et de ces aigreurs qu'en aucun autre que j'ai jamais vu. Il ne l'est pas moins que, à la réserve de ce qui se passa entre M. le cardinal Jean Carlet et moi, dont je vous ai rendu compte, d'une parole encore sans comparaison plus légère qu'il s'attira d'Imperiali à force de le presser et du libelle de Spada contre Rapaccioli. Il n'y eut pas, dans ses murmures, dans ses plaintes et dans ses aigreurs extérieures, je ne dis pas la moindre étincelle de haine, mais même d'indisposition. On y vécut toujours ensemble avec le même respect et la même civilité que l'on observe dans les cabinets des rois, avec la même politesse qu'on avait dans la cour de Henri III, avec la même familiarité que l'on voit dans les collèges, avec la même modestie qui se remarque dans les noviciats, et avec la même charité, au moins en apparence, qui pourrait être entre des frères parfaitement unis. Je n'exagère rien, et j'en dis encore moins que je n'en ai vu dans les autres conclaves dans lesquels je me suis trouvé. Je ne puis pas mieux exprimer sur ce sujet qu'en vous disant que même dans celui d'Alexandre VII, que l'impétuosité de M. le cardinal Jean Carlet de Médicis éveilla, ou plutôt dérégla un peu, la réponse que je lui fis ne fut excusée que parce qu'il n'y était point aimé, que celle d'Imperiali fut condamnée, et que le libelle de Spada y fut détesté et désavoué dès le lendemain au matin, par lui-même, à cause de la honte qu'on lui en fit. Je puis dire avec vérité que je n'ai jamais vu, dans aucun des conclaves auxquels j'ai assisté, ni un seul cardinal, ni un seul conclaviste s'emporter. J'en ai même vu fort peu qui s'y étaient échauffés. Il était rare d'y entendre une voix élevée ou d'y remarquer un visage changé. J'ai souvent essayé d'y trouver de la différence dans l'air de ceux qui venaient d'être exclus, et je puis dire avec vérité qu'à la réserve d'une seule fois, je n'y en ai jamais trouvé. L'on y est même si éloigné du soupçon de ces vengeances, dont l'erreur commune charge l'Italie, qu'il est assez ordinaire que l'exclu en y boive à son dîner du vin que l'exclu du matin lui vient d'envoyer. Enfin, j'ose dire qu'il n'y a rien de plus sage, ni de plus grand, que l'extérieur ordinaire d'un conclave. Je sais bien que la forme qui s'y pratique, depuis la bulle de Grégoire, contribue beaucoup à le régler, mais il faut avouer qu'il n'y a que les Italiens au monde capables d'observer cette règle avec autant de bienséance qu'ils le font. Je reviens à la suite de ma narration.